basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple. Ici Mathéo, votre capitaine de bord. Je vous annonce que vous êtes sur large en compagnie de Cyprien. Salut à tous, content d'être là. Toutefois, nous allons traverser d'ici quelques instants une perturbation sonore de quelques dizaines de minutes. Bienvenue dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, on parle de tout, de musique, de vidéos, mais aussi de nouvelles technologies. Aux commandes, vous découvrirez un duo de passionnés, motivés à partager avec les jeunes auditeurs de large. Augmentez le volume et embarquez avec nous. On commence tout de suite avec le sommaire de l'émission. Alors on va parler des artistes en eux-mêmes, on va les présenter un peu le festival avec Mathéo. On va aussi présenter nos futures émissions qu'on va faire après. Et on vous fera gagner évidemment vos places pour les Insolents à la fin de l'émission. Le festival Insolent s'inscrit dans la liste des nombreux festivals bretons et se démarque par sa saison. Car il faut généralement attendre l'automne, ou à l'exception de certaines années nommées Collection Printemps, pour retrouver ces artistes de renommée nationale, voire internationale. Ce festival est né au début des années 2000 à Quimper, puis a changé plusieurs fois de ville, comme une sorte de tour de Bretagne, pour finir cette année dans le pays l'Orienté, à Lanester. Pour la petite anecdote, ce festival a déjà eu lieu à Vannes, c'était en 2013. Cette année donc, une collection automne qui nous attend. Le 27 octobre même pour être précis, on pourra retrouver des artistes phares de la scène rap de cette année, comme Aurel San, Romeo Elvis ou encore Eddie De Preto. La scène montante est également présente et représentée par Bifty et DJ Wedim, ou encore Fix Pencil. Il y a également des artistes anglophones comme Chill Pump ou Two Minutes. Et enfin, on pourra venir découvrir ou redécouvrir Spider-Z et Moussa. Une petite particularité cette année est qu'il y aura deux halls où les artistes joueront, donc il faut bien regarder les horaires de passage des artistes, car certains seront sur scène au même moment. Enfin, voilà une petite astuce. Le festival Insolent est en partenariat avec l'application Road Enjoy, qui est une appli de covoiturage. Donc les trajets pour accéder au festival sont mis en valeur sur leur site, n'hésitez donc pas à aller voir si vous êtes en galère de transport. Après une brève introduction et présentation du festival, place à la présentation des artistes. On commence tout de suite par Bifty, présenté par Cyprien. Alors qui est Bifty? Alors Bifty, c'est un membre du collectif Patapouf Gang, avec son frère Julius qui lui touche un peu au rap mais préfère la réalisation de clips assez drôle. C'est grâce au collectif de rappeurs que celui-ci s'est fait connaître sur sa chaîne YouTube. Alors c'est en 2015 que Bifty rencontre DJ Wedim, c'est un beatmaker de plusieurs artistes, il y a Vald, Al Capote ou encore Sofiane. Alors ils collaborent ensemble sur une mixtape, la boulangerie française de DJ Wedim, et notamment avec le son Goûter. Gros c'est l'heure du goûter, 4-20 sur ma montre dorée. Grosse plif entre lèvres, les bouffins en cas. Tu veux pas que ça parte en couille, parte en couille, parte en couille. Viens me voir dans ma boca, tu veux qu'on parle en brouille, parle en brouille, parle en brouille. 4-20 sur toutes les horloges, roule un gros joint qui pique la gorge. Et je crache du sang, d'éclair et de la morve. Grave indécent, mes mots datent de la mort. Je te fume tes cendres, tu manges tes morts. Je te fais redescendre dans ton essor. Un peu d'essence dans tous les sens. Et quand je m'ambiance, je crame des corps. Je veux que ça brûle. Après cela, il continue de sortir des morceaux sur sa chaîne YouTube et prépare en 2016 sa première mixtape en collaboration avec le même beatmaker, Mega Sweet Tape. Alors Bifty a des délires un peu déjantés, entourés de nourriture et de drogue, mais Bifty c'est avant tout un personnage des cheveux de toutes les couleurs, un style gangsta punk. Bifty prône le turn-up, le gras, la violence et le trash, c'est ce qu'on aime chez lui. Mais le plus impressionnant chez le rappeur, c'est sa productivité. En l'espace d'un an, il a réalisé plus de 10 clips aux côtés de son frère et ses amis de Nuit Plaisance. Le son Roulin Bose a été un vrai tremplin pour lui et DJ Wedim. Je me souviens des sandwichs dans maillot. Je me voyais riche et sans ego. J'ai fumé le rip jusqu'au mégot. Je suis de la banlieue, papa ego. Qu'un sale gosse, ouais, parmi d'autres. Que des souillards qui m'épaulent. Faut check à droite et puis à gauche. Faire la malle tant qu'il est temps. Finir crackman tranquillisant. J'ai la dalle, j'ai croqué dedans. Roule des gros boss tel un afghan. C'est amusant, mais tu m'agaces. Je gagne sur pile et sur la face. Fais-toi enculé par un cheval. C'est le minimum syndical. Doucement, salope, roule un beau. En imposant son style et ses influences, il apporte son univers sur le devant de la scène et dans le monde du rap. Bifty crée son propre style et devient de plus en plus sollicité pour ses freestyles, notamment dans les séries des Marches de l'Empereur produites par Al Capote. Il a sorti cette année son nouvel album, La Potence, dont on va écouter le son le plus streamé sur les différentes plateformes d'écoute. Souillette, vous écoutez large, Cyprien et Mathéo à l'antenne pour la spéciale Insolent, Souillette de Bifty en direct. Je suis complètement souillette, dans le coffre du véhicule. Mon message le véhicule. T'es juste devant le ridicule. Gros canon sans recul. J'te tire dessus droit dans ton cul. BI2F fume la vue. BI2F c'est un dieu. BI2F fume la bleue. J'suis le plus gras de la France. J'suis le rappeur le plus intense. J'ai mis le pénis dans la fente. C'est comme ça qu'on enfante. Vos mères les putes. Bâton dansant dans le huc. Bâton sucé pour un sac. J'ai pas le temps pour qu'on s'attrape. Tout le monde part sur les réseaux. Faut soi-disant libido. J'mets ma face sur le dildo. Comme ça j'vous baise à chaque morceau. À chaque propos ça va toujours plus loin. J'roule un joint quand j'coule la branche. J'kiffe quand ça vient. T'arrêtes pas et fais ça bien. Ouais, fils de chien. Hein? Sous ta pied joint sur vos têtes, je suis complètement souillette. Sous ta pied joint sur vos têtes, je suis complètement souillette. Moi je nique tous vos préceptes, je suis complètement souillette. Moi je nique tous vos préceptes, je suis complètement souillette. J'ai bu la tasse comme quand j'ai vu ta tasse. Suce mon pénis avant qu'il refroidisse. Pénicilline pour pouvoir m'endormir. Sans fétanine, il y aurait toujours l'île pipe. Trop de codéine dans les clubs de mes potes. Faudrait stopper la drogue avant qu'elle nous emporte. Keuf à la porte, faut que je paie mes impôts. Faites de la place, est-ce que je deviens très gros? Nique bien ta race et check bien les propos. C'est parti de R et ça repart à zéro. Rap si mon frère, je suis prêt pour la guerre et je suis prêt pour la souille. Poulet au cou, moi je les filme comme des bosses. Desperados, piment réo, toutes les saveurs de France. Je suis là, c'est intense, quand t'es là, les gens dansent. Moi c'est la guerre, on s'en fout ce que tu penses. On s'en branle de ta vie, ta fibre, mon ami. T'es fébrile, mon petit, t'as besoin que je te ressuscite. Si tu mets récit ou bien touche mon esprit. Fumer sur le site, tu vas sucer ma bite. J'suis complètement souillé. J'suis complètement souillé. Sur ta pied joint sur vos têtes, j'suis complètement souillé. Sur ta pied joint sur vos têtes, j'suis complètement souillé. Moi j'nique tous vos préceptes, j'suis complètement souillé. Moi j'nique tous vos préceptes, j'suis complètement souillé. Émission spéciale Insolent, de retour sur l'Arge. Pour rappel que vous avez des places à gagner sur le Facebook Artmosphère, ARTMOPHER. Partagez, likez la publication pour gagner vos places. On est en direct et Mathéo va nous parler de Roméo Elvis. Roméo Elvis, on commence par un extrait issu de... Enfin, l'extrait de 300. On vous laisse l'écouter tout de suite. Comment tu vas faire? J'ai 300 amis sur mon phone. J'ai 300 amis sur mon phone. Et j'ai 300 amis sur mon GSM. Comment tu veux régler? Je prends pas la carte ou l'échec. Je ne prends pas la carte ou l'échec. Et je ne connais qu'un seul mat ou l'échec. Il est belge, il a 26 ans et propose au rap francophone un style à la fois old school et décalé sur des instrus très souvent électro. Ses débuts sont marqués par la sortie de ses deux EP Bruxelles, c'est devenu la jungle et Famille nombreuse. Ses hits principaux sont Drôle de question. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la cour si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. Je veux que tu glisses sur le sol. Je veux qu'on s'épuie sur le divan. Je veux que tu passes un disque de Queen. Je veux du soleil. Je veux aller voir entre les cuisses dans le silence. Je veux que tu saches que j'ai la trique, je suis au sommet. Tu vas devoir éteindre ma... C'est ton problème. Bébé, je suis toujours un romantique. T'es la seule femme dans ma vie. Les autres, c'était des faux, c'était des moches. Mais toi, t'es trop belle. Il a été connu aussi pour le titre J'ai vu en feat avec Angel. La vie est douce, la pente est raide et parfois glissante. Certaines arrivent à s'élever comme de la vapeur. J'ai un peu morflé, mais pas de quoi en faire un film. Je suis dégoûté, mais très loin d'être anéanti. On peut le connaître également pour le titre. Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a lâché l'affaire et qu'on va partir. On a quand même réussi à rassembler tout un troupeau. Cette année est sorti son dernier album Moral Deluxe. Je vous propose d'écouter un de ses titres. J'ai choisi Sabena. Strauss. Qu'un outil, l'homme fait le mal veut la maille, faire l'amour aux femmes de ses rêves. Dans le système, le boss a ses règles. Dans les combats, je fonce, j'accélère. Alors laisse faire un peu, garçon, ils parlent tous comme des vénères. Peu d'action, alors quoi? Alors quoi? Je préfère dire des trucs gentils et me servir à frister avec deux glaçons. Ah, pif dans le nez, paf dans le visage. La musique n'attire pas que les problèmes. C'est facile de battre, mais c'est raisonné. La musique est faite par le modèle. Il est dans le sky grâce au popo. Nous, on a continué la ride et nos promesses. Morale dans les bacs. Passez-moi cette foutue maille et le problème. Et le fils dans la plaza. Moral de Motel et le fils dans la plaza. Moral de Motel et le fils dans la plaza. Moral de Motel et le fils dans la plaza. Moral de Motel. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena, Sabena, on part vers le ciel. La musique a payé les tickets d'avion, c'est le paradis enfin récompensé. Sabena, Sabena, Sabena, j'ai choisi cette vie car je savais qu'elle compenserait mes envies de Ken. J'ai choisi cette vie car je savais qu'elle comprendrait. Cette musique c'est le genre de cam que t'aimes. J'ai mon style comme le genre le jazz le ferait. Elles m'ont parlé d'une soirée copine. On a vu que des grandes pétasses de merde. Fais le bail et profite. Sabena dans le vaste ciel. Jolie hôtesse petite copine posée dans le cockpit à la prendre par les fesses. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena, Sabena, j'ai pris un vol direct. Sans trop me poser de questions, genre où est-ce qu'on irait? C'est pas trop mon style, on est déjà à 1000 pieds. On est déjà à 1000 pieds, je vois plus les rages. Un peu de thé dans l'avion se partage. L'ambiance devient chaleureusement plus vive et plus directe. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Sabena. Posé dans ciel avec côté ce Sabena. Il est dans le sky. Il est dans le sky, il est dans le sky, il est dans le sky. Il est dans le sky, dans son bon. Il est dans le sky. Il est dans le sky, il est dans le sky, il est dans le sky. Il est dans le sky. Une voix grave de la musique électro, c'est Moussa. Un tout nouvel album, nouvel artiste sur la scène musicale. Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des... Moussa est un artiste producteur parisien qui écrit sur les paroles et chante sur ses propres morceaux. Ses influences sont larges, allant du hip-hop au rock, en passant par la musique électronique, un métissage que l'on peut définitivement ressentir dans sa musique. Rappelle-moi sur quel pied je danse comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux. Dévore ta silhouette. Je l'emmène dans mon cabriolet. Elle fait des sauts de cabriolet. Rappelle-moi sur quel pied je danse. Vous écoutez son premier morceau Cabriolet qui sortit en décembre 2017. Il sera le premier à passer Hall 1 aux Insolents. Nouveau jour.

Vous êtes toujours sur Large, c'est Cyprien à l'antenne, on est avec Mathéo, c'est une émission spéciale insolent, vous pouvez toujours gagner vos places sur Facebook, Artmosphère. Allez tous checker, allez tous prendre vos places et tout de suite, je vous envoie Edith de Préto, présenté par Mathéo. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils raptaires et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique. Il est français, il a 25 ans et a commencé par le métier d'acteur à ses débuts. Edith de Préto se distingue par un style très parlé, un franc-parler qui dénonce même. Son morceau Kid, dont on a entendu un extrait, l'a poussé sur le devant de la scène. Dans ce son, il critique la virilité abusive. Son engagement ne s'arrête pas là. Dans le morceau Normal, il se sert de ses expériences pour sensibiliser son public sur l'homophobie dont il souffre. Il ne veut pas devenir un porte-parole de la communauté gay, mais il raconte sa vie et c'est très touchant. Un groupe, un duo créé en 2018, Chill Bump, issu de la culture hip-hop, ils posent leur flow en anglais avec leur premier album en 2014. Chill Bump est parvenu à épingler Tours, sa ville d'origine, sur la carte du hip-hop européen. Le binôme vient de mettre en boîte son second opus, Going Norther. Si les débuts du duo étaient frappés par un saut d'un rap organique et chaud, les épreuves du temps, tout comme l'arrivée de la trap music, orientent désormais le groupe vers une matière sonore plus crossover. Chill Bump, c'est à 20h, Hall 2, rendez-vous le 27 octobre, insolent 2018. Gagnez vos places, Artmosphère sur Facebook. Vous écoutez Chill Bump, Not Today en direct dans Artmosphère sur Large. As I serve my brew, I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Perched high word, my dude. I observe life from a bird's eye view. Jokes try hurt my mood, but my sky pure bright blue. No mistaken, I tell my demons they got mistaken. I lift weights, eat less bacon. I run with the sun just waking. Jumping ropes and my legs aching. Bathing when the heat get baking. Hiking when I need escaping. Stopping when the sight breathtaking. Cool, no cynical vision when I'm by the swimming pool. Sitting with a friend or two, sipping booze with them. Chatting, chilling, skinny dipping with a few women. Just a simple musician getting lured when I'm in the booze. Spitting singing tools, ripping new rhythm, scribbling cool shit to the syllables. Fitting this shot of Remy, got me merry. Followed by a shot of Henny while I'm voluntary. Solitary hand on my belly, bumping my Cavelli, bopping by the Jimmy. Then I get a cute message on my celly. Who's this? That Hottie Betty, pretty stunning, something like Holly Berry. Hurry up, honey bunny, come and get me, cause I got another bottle with me. Better bring your bare body quickly, bottoms up. We can swallow plenty, we ain't gotta stop. Till the second bottle empty, then she unzips my fire. Till I twitch and whine with desire. Wired up by her shit is fire. Sizzling like a kitchen fire. Finna make it flying bitch sing higher than the very high bitch Mariah. Higher than the little children's choir. Busting the grill with your prior. Winning like sheen, living my dream. Sharing my life with the right queen. Tearing my mics, getting my green. Feeling mad like, get what I mean. Sky blue, the sun glistening. I hear morning birds whistling. Yesterday I weren't listening, but now I feel different. I've been down in the alley with darkness around me, where everything's cloudy and gray, but not today. Bienvenue sur Large, vous écoutez Artmosphère et aujourd'hui pour la mission spéciale insolent, on vous fait gagner des places. Aujourd'hui on est avec Ingrid, salut Ingrid. Salut. Alors est-ce que t'es contente de gagner une place pour les insolents? Bah, je suis trop trop contente, j'attendais que ça. Bon, alors du coup, le concours était sur Facebook, t'as liké et partagé la page, la publication. C'est ça. Et donc voilà, tu es l'heureuse gagnante de ce concours. Tu vas pouvoir aller aux Insolents. Tu vas avec qui aux Insolents? Je pense que j'ai déjà une petite idée. J'ai quelques amis, mais j'ai surtout un ami en particulier qui était super chaud comme moi. Donc je pense que ce sera avec lui que j'irai. Génial. Et donc du coup, quel est ton artiste préféré aux Insolents? Pourquoi tu vas aux Insolents? Alors moi, mon artiste préféré, je pense que c'est Romeo Elvis, clairement. Alors j'y vais pas que pour lui, hein. Bien sûr, il y a d'autres têtes d'affiche super cool. Mais c'est vraiment, ouais, Romeo Elvis, c'est le meilleur, quoi. Ok, nickel. Pour cette émission, on a écouté le titre Sabena de son dernier album. Merci à toi. Merci d'avoir participé au concours. On se retrouve peut-être au Festival Les Insolents. Bonne journée. On y sera. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allez, ciao. On est toujours sur Large et on vient du coup de faire gagner la première place. Donc si vous voulez gagner encore d'autres places, n'hésitez pas. C'est sur la page Facebook Artmosphère. On enchaîne avec le titre... Enfin, un groupe peut-être pas si connu que ça en France, c'est Too Many Hits. See a chance, I get upon it, making the moves that little me want. Like Dre and Kwan, my bonnet's popping, big booty mamas. Well, in my dreams, I mean the T's and C's, don't fade it clearly, really want it, really need it. Ce groupe londonien est composé de Leon Rimes et Ross Stanloft. Too Many Hits est comparé au groupe Beastie Boys et il se situe dans un style mélangeant punk et boom bap, mais également imbibé d'une ambiance rock, funk et évidemment électro. Un sacré mélange qui vous invite à découvrir au plus vite, mais également, on le rappelle, au Festival Les Insolents. Bon, je pense qu'on a fait le tour de près tous les artistes, mais il en manque un. Il en manque un, c'est Spider Z. Il s'appelle Spider Z, il fait partie du High Five Crew. C'est un groupe de rappeurs d'Île-de-France formé en 2012. Spider Z, c'est un rappeur qui manie les mots avec pas mal d'aisance et beaucoup d'humour. Il a même réussi à caler un de ses sons, La vie, c'est pas un jeu, sinon il y aurait la solution sur jeuxvideo.com. J'ai même l'extrait sous moi. La vie c'est pas un jeu, sinon y'aurait la solution sur jeuxvideo.com. J'ai le corps, j'ai la tête, j'ai la barbe, mais je partage pas les idéaux d'un homme. Il a aussi dit mes enfants seront dans de sales draps. Pour l'instant ils sont dans ce drap sale. Très jolie métaphore. Il y a plusieurs morceaux qui ont fait son succès. Et je reste là, là là là, là là là, là là là là, là là là, là là là, là là là là. Attends, non, laisse. Là. Mais son plus gros succès, c'est Forqueta, sorti en 2017. Vous écoutez Spider Z sur Large, c'est Artmosphère en mode spécial insolent. Spider Z, c'est Hall 2, 18h30 à l'Anester. J'évite d'entreprendre, j'hésite entre le prendre ou me jeter sous le train. J'écris quand je sens que je déprime. J'ai peur que ma vie me file entre les doigts. J'ai toujours pas trouvé ce qui allait pas. Mais miskin, je pense que c'est moi. Je crois que résoudre des problèmes, ça me dépasse. Mes parents m'ont laissé seul et un grand appartement. Vite. Si je me plains, je suis qu'un sale garnement. Rien ne passe à part le temps. Je suis vide, ça me glace le sang. Je suis vide, rien n'a de sens. C'est vide, pensée grossière et idée fine. J'évite les filles, j'ai peur de paraître débile et vil. Après le fils du commissaire, voici le fils du patron. L'existence, un job de figuration. Je simule à fond et c'est pas pure politesse. Ouais. À toutes mes ex qui me croyaient instable, l'amour dure 3 minutes dans les toilettes d'un bar. J'ai vu le soleil disparaître derrière les nuages, un jour d'automne de trop. Le calme après la tempête, mes couilles au bord de l'eau. Je suis complètement bourré, j'ajoute des meufs au hasard sur Facebook. Je débarque en volant comme dans la pub Red Bull. J'espère que je finirai avec une belle rousse. Je fais des prods et je danse en peignoir dans ma chambre. Est-ce que c'est vachement navrant ou est-ce que j'ai 3 ans d'avance? Je sais pas, qu'est-ce que mes parents attendent de moi? J'y pense tout en dévalant la pente. Je passe ma journée à me demander si je vais vomir. Mon briquet marche plus trop, j'ai des cloques sur le pouce. Je dors plus debout, j'ai arrêté l'économie. On se connaît pas, mais je connais bien tes photos de profil. Je fais bande à part, les gens me parlent pas, je m'en branle pas mal. Mes enfants seront dans de sales draps, pour l'instant ils sont dans ce drap sale. Je t'ai menti si je t'ai dit, t'en fais pas, je reste le meum. Tu me manques vachement plus après quelques bières. C'est horrible, je pense à toutes les filles que je baiserai jamais, je deviens émotif. Je rappelle que des mauvais souvenirs à mes ex. Elles auraient préféré ne jamais m'avoir connu comme la tectonique. Buena sera bella, j'ai un arrière-grand-père italien, mais j'ai rien dire à part fourchette. Forchetta, forchetta, forchetta, forchetta. J'en prépare un single, je sais pas si ça va vous plaire. De retour sur Large dans l'émission Artmosphère. Vous êtes toujours en compagnie de Cyprien et Mathéo. On a été heureux de vous faire cette émission post-insolent dans laquelle on vous a fait gagner des places. Une place est encore à gagner sur notre page Facebook Artmosphère. Ouais, elle sera annoncée bientôt sur la page Facebook le ou la gagnante pour la deuxième place. On a écouté Ingrid tout à l'heure qui nous a fait part de son impression d'avoir gagné cette place. Elle était très heureuse, alors tentez-vous aussi de gagner cette dernière place. On vous a fait une présentation un petit peu complète et non exhaustive des différents artistes présents aux Insolents. On les rappelle, il y aura Romeo Elvis, Fix Pencil, Aurel Eddie San, De Preto. Aurel San, il y aura aussi Bifty, Spider Z, Moussa. Et encore Too Many Hits. Et tout ça c'est le 27 octobre au parc d'exposition de la Nestère. Rendez-vous, on y sera là-bas, donc pour ceux qui y seront, on vous rencontrera avec plaisir. Venez tous nombreux, c'est un des festivals mythiques en Bretagne. Voilà, on a été heureux, très heureux avec, de faire cette émission. Ouais, avec de la chance de rencontrer des artistes à proximité, des artistes même parfois internationaux. Donc Aurélien, on peut le considérer comme un artiste international maintenant. Et on va continuer, bah, c'est la première émission, c'était une spéciale Insolent pour débuter. Et puis avec Mathéo, on va continuer les émissions, on reprend doucement mais sûrement. Et on se retrouve bientôt pour des émissions qui parlent de technologie, de vidéos, de musique encore, parce qu'on adore ça et que c'est le bon média. On a on fait interviewer des gens, notamment des photographes, des gens de Vannes. Ouais, toute la culture locale de Vannes à proximité, tout ce qu'on peut, on le fera. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi sur l'Instagram ou sur Facebook, Artmosphère, ARTMOPHER. Tu vas les passer à gagner, je rappelle. Voilà, rejoignez-nous sur nos réseaux Instagram et Facebook, Artmosphère. C'était cool, bon, on se retrouve très bientôt, suivez l'actu sur Facebook. On va s'envoyer un son qui s'appelle « Oui » de Martin Garrix. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve très bientôt sur Large. Restez connectés, Artmosphère sur Facebook, partout sur Van. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. À bientôt. We'll be right back.